J'ai que l'autre. C'est ce qu'a dit Florence sur le c'est Agathe, c'est ça? Oui. Oui, salut. Est-ce que tu veux bien parler de... J'ai déjà discuté un peu avec des collègues sur la situation ici, mais on n'a pas évoqué le plan d'urgence, en fait. Le plan d'urgence par rapport au CGLPL, enfin au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ouais. Est-ce que tu peux parler de ça? Ouais, je peux parler de ça. Donc déjà les constats du... Donc je vais dire CGLPL pour contrôleur général des lieux de privation de liberté. Les constats qu'ils ont faits, en fait, c'est les mêmes que les alertes qu'on pouvait donner lors de la grève de la faim en 2018. Alors je rappelle juste qu'ils sont venus à quel moment dans l'hôpital ? Je crois une quinzaine de jours, ils ont visité un peu tous les services. Les patients pouvaient aller les solliciter et aller discuter avec eux, et y compris les soignants, c'était libre. Toutefois, il fallait passer par le cadre, l'encadrement si on voulait y accéder, mais quand même ça a pu se faire. Et ils sont venus un peu constater le fait que y avait une suroccupation, c'est-à-dire des gens installés dans des lits de camp, dans des locales inadaptés, sans salle de bain, sans toilette, des gens qui étaient entassés dans des chambres de deux qui sont toujours à plus 1 en fait, les gens ils sont entassés, et ça augmente la charge de travail dans les services avec l'équivalent des lits supplémentaires, c'est une unité complète, c'est une trentaine de lits. Donc forcément ça fait une charge de travail supplémentaire et une baisse de disponibilité pour les soignants envers les personnes qui viennent se faire hospitaliser. Parallèlement, il y avait aussi l'hospitalisation des mineurs qui avait été mise en avant pendant la grève de la faim et qui est problématique au sein de l'établissement. Quoi d'autre, il y avait, elle met en avant des défauts de formation, elle met en avant une fermeture des unités, en fait, des défauts d'ouverture, un fonctionnement qui devient de plus en plus autoritaire parce que faute de présence au sein des unités, en fait, ils compensent en mettant des caméras, en fermant les portes, en enfermant les gens, en augmentant les sédations. Donc on voit bien en fait qu'il y a de moins en moins de soins humains. Moi, je pense à titre d'exemple, quand je suis arrivée, la première fois que je suis venue à l'hôpital psychiatrique, c'était en 2006. Les équipes, elles ne savaient pas où étaient les contentions physiques. Elles disaient « Non, mais ça n'existe plus, ces trucs-là. » Les camisoles, quoi. Les camisoles, l'équivalent des camisoles. « Ah non, mais ça n'existe plus, ces trucs-là. C'est fini, ce temps-là. » Et en fait, ça a explosé derrière, quoi. Donc, je pense que c'est assez marquant. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est fait? Il n'y a pas eu une grosse modification des formations des soignants, ni médicaux, ni paramédicaux. Ce qu'il y a eu, par contre, c'est des grosses coupes budgétaires sur l'hôpital. Et du coup, aujourd'hui, les camisoles sont utilisées. Ah ouais, les camisoles sont utilisées. Et les camisoles chimiques aussi. Quoi. Et les camisoles chimiques aussi, largement. Après, peut-être à défaut des camisoles physiques, à un moment, il y avait des camisoles chimiques utilisées aussi. Enfin, tout n'était pas merveilleux non plus il y a 10 ans. Mais voilà, donc les constats qui ont été faits, ce sont ceux-ci. Et puis aussi qu'il y avait que les locaux, ils n'étaient pas forcément toujours adaptés. Avec des chambres d'isolement dans lesquelles il n'y a pas de toilette, il y a un seau, enfin des trucs assez catastrophiques. Et donc les seuls budgets qui ont été débloqués, parce que l'idée quand même a priori du CGLPL et de lancer un rapport avec des points d'urgence, c'était de faire réagir rapidement, et notamment les pouvoirs publics en fait, et les décideurs, plus que finalement le directeur. Donc... les budgets, il y a quelques budgets qui ont été développés, mais c'est uniquement pour du matériel, pour la réhabilitation des chambres d'isolement. Sur le budget de l'hôpital, ça représente 0,8% du budget. C'est pas grand-chose, enfin c'est pas à la hauteur des besoins de l'hôpital. Donc pour le moment, on a un directeur qui a proposé des plans de réaction par rapport à ces trucs-là. Il n'y a pas de discussion par rapport à l'ouverture des unités de psychiatrie, par rapport à plus d'activités, des médiations thérapeutiques au sein de l'établissement. Il n'y a pas de discussion, il ne sollicite pas les gens au travers de groupes de travail. Il a forcément lancé des groupes de travail dans lesquels il y a peu de représentants du personnel et encore il a fallu les demander parce qu'il n'y avait pas pensé. Donc, c'est du management, comme une entreprise. Oui, complètement. Ouais, ouais. Vraiment, c'est descendant, ça met la pression. C'est pas facile. Et c'est vous qui aviez sollicité la venue du contrôleur comment est-ce qu'il était arrivé là en fait? C'était auto-saisi en voyant la lutte qui perdurait ou... Parce que c'était suite quand même à... Vous aviez refait des trucs en fait au début de l'automne. Vous aviez refait des actions pour rendre visite à cette lutte. Oui. Effectivement, à la fin de la... de la mobilisation en 2018, on avait obtenu une trentaine de postes. Et en fait, ces postes-là, ils ont été a priori financés par l'Agence régionale de santé. Mais nous, on a mangé par notre directeur, notre nouveau directeur, donc, qui dit qu'il n'était pas là quand il a signé le protocole. Donc, on est allé lui rappeler qu'il y avait quelque chose à respecter, qu'il y avait un engagement qui avait été signé. Bon, évidemment, il s'en fiche. Mais de ce fait, il y avait eu un début de mouvement et probablement, on a le contrôleur général des lieux de privation de liberté a été alerté peut-être par ça, mais en tout cas, avait déjà été alerté par ce que les témoignages en fait, des soignants en 2018 déjà. Elle l'a dit quand elle est venue, elle a dit « moi, je ne suis pas venue pour rien ». 2018, j'entendais les témoignages qui étaient donc choquants et puis en fait, elle est venue constater la même chose. Quoi. Et bon, après, du coup... Les préconisations, elles ont une action contraignante sur la direction de l'hôpital ? Les préconisations, elles sont très peu contraignantes pour l'hôpital. Il doit amener une réponse. Donc en fait, à partir du moment où ils écrivent quelque chose, comme quoi ils ont un projet, où ils vont faire des réunions pour améliorer les choses, en fait, il n'y a aucune contrainte si jamais c'est pas mis en place. Il n'y a pas de mesures restrictives ou qui impose aux directions de mettre en place des choses. Sur le long terme, sur le moment, ils vont vérifier qu'il y a une action qui est initiée, mais vérifier si l'action elle est menée à terme et si c'est efficace à la fin, il n'y a personne qui va faire ça. On n'a pas fini de venir à 6h du mat à l'hôpital du Rouvray. Non, j'ai hâte que la révolution commence tard et que les luttes commencent l'après-midi, qu'on fasse des grasses matinées. Merci. Ouais, merci.